Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, retour sur l'affaire Angélique Dumès et la création du fichier automatisé des empreintes génétiques. Le 13 octobre 1996, le corps d'une jeune femme est découvert sans vie en bordure de la forêt de Compiègne, dans l'Oise. Angélique Dumès, 18 ans, a été violée sauvagement, assassinée. En guise de pièce à conviction, les enquêteurs disposent alors d'un couteau et d'un ADN tiré du sperme du violeur. Il faudra attendre 15 ans pour retrouver son meurtrier. Oui, 15 longues années d'un deuil impossible pour ses parents, car à l'époque, la France ne dispose pas d'un fichier des empreintes génétiques. Pour que la vérité éclate et que le tueur soit confondu, la mère d'Angélique se lance alors dans un double combat. Faire en sorte que jamais l'enquête ne s'arrête et militer pour la création d'un fichier regroupant les ADN d'un maximum de criminels et de délinquants. Bien plus qu'un fait divers, l'affaire Angélique Dumès est un combat politique et juridique pour faire évoluer la législation française sur le fichage et la conservation des données génétiques. Notre invité aujourd'hui, maître Muriel Bellier-Kant, l'avocate des parents d'Angélique Dumès et auteur du livre intitulé « Angélique, l'empreinte d'une vie » aux éditions du Panthéon. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Coy Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Angélique aurait dû fêter ses 19 ans, 2 mois et demi après son assassinat. Personne ne lui a laissé la moindre chance. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver enfin la vérité. Merci. La posture est digne, les larmes retenues, mais l'immense chagrin est tangible. Ce 21 mars 1999, Marie-Pierre Mazzi adresse devant micros et caméras un énième appel à témoins. Petite boue de femme blonde, aux yeux bleu clair et au regard doux, elle tient encore debout, animée par une détermination sans faille. Elle veut désespérément savoir qui lui a arraché sa fille, Angélique, sauvagement assassinée 2 ans et demi plus tôt. Dans le petit square qui jouxte son immeuble, des dizaines de proches, familles, amis, voisins l'entourent. Ils tiennent dans leurs mains des ficelles, au bout desquelles flottent des ballons blancs et une photo de la jeune femme. 890 ballons pour symboliser ces 890 jours sans qu'on ait pu mettre la main sur l'assassin. Un geste de solidarité très fort, dans l'espoir de voir l'enquête avancer enfin, comme l'explique Marie-Pierre Mazier sur France 3 Picardie ce jour-là. Ce qu'on attend surtout, ce sont des réactions de personnes qui, depuis 2 ans et demi, savent probablement quelque chose et qui, je ne sais pas, par peur ou je ne sais pas pourquoi, qui ne voudraient pas parler. Et je crois qu'il est temps, il est grand temps qu'on sache ce qui s'est passé et qui a tué Angélique. Marie-Pierre Mazier veut comprendre pourquoi sa fille, pourquoi Angélique, pourquoi sa vie a-t-elle basculé ce 13 octobre 1996 ? Ce matin-là, un dimanche, un cycliste roule en bordure de la forêt de Compiègne. Alors qu'il approche du célèbre wagon où fut signé l'armistice du 11 novembre 1918, il s'élance sur une petite route un peu à l'écart, connue des seuls habitués de la région. Au bout de quelques coups de pédale sur la voie, son attention est attirée sur le bas-côté. Des jambes dépassent du fossé. Puis, il aperçoit un corps positionné sur le dos. Et il voit du sang, beaucoup de sang. La personne qui gît est habillée. Son visage est figé. Est-ce un homme? Une femme? Sous le choc, le cycliste ne sait pas trop. Il ne demande pas son reste et se dirige vers la maison forestière, là, à quelques mètres. Pour prévenir les secours, il est trop tard, mais pour appeler la police, il n'est pas trop tard. Alors, quelques heures plus tard, les journaux locaux avertis, eux aussi, relaient la macabre découverte. Le corps sans vie d'un individu a été retrouvé dimanche matin à la clairière de l'armistice à Compiègne. C'est un cycliste qui a découvert le corps vers 9h, le long d'une allée, à proximité d'un autre cadavre, celui d'un chevreuil dont la mort remonterait à plusieurs jours. Sur place, un périmètre de sécurité a été établi. policier, substitut du procureur de Compiègne, médecin légiste et un fonctionnaire des identités judiciaires de Creil travaillent loin des photographes et des objectifs des caméras. Les premières constatations du légiste sont glaçantes. La jeune femme a été tuée d'une dizaine de coups de couteau, éviscérée et presque décapitée. Autour du corps, les enquêteurs retrouvent un blouson en cuir avec un mouchoir brodé et un couteau de cuisine au bout de lame sectionnée. L'arme ne porte pas de grosses traces de sang. Il n'y a ni sac à main, ni pièce d'identité. Impossible, pour le moment, de savoir qui est la jeune femme. Alors que l'enquête démarre, dans le quartier de Royal Lieu à Compiègne, Marie-Pierre Mazzy attend tranquillement le retour de sa fille chez elle. Divorcée du père d'Angélique, elle entretient avec elle une relation fusionnelle. Elle est sa copine, sa confidente. Les deux femmes s'échangent leurs vêtements, sortent parfois toutes les deux. Ce week-end-là, sa fille, étudiante à Amiens, est revenue à Compiègne pour fêter l'anniversaire de sa meilleure amie, Nathalie, fête organisée dans une salle communale. Le samedi soir, Angélique y retrouve donc tout son groupe de copains. Minuit approchant, la bande décide d'aller finir la soirée en boîte de nuit au City Hall, un club en plein centre de Compiègne. Elle y a ses habitudes. Mais Angélique ne veut pas monter en voiture avec ses copains parce qu'ils ont bu. Sage précaution, elle remonte donc chez elle avec une amie et demande à sa mère de les emmener à la discothèque, ce qu'elle fait quelques minutes plus tard. Quand sa voiture s'arrête devant l'établissement, Marie-Pierre embrasse sa fille et la regarde s'éloigner, faire la bise au videur et entrer. Puis elle rentre se coucher, l'esprit tranquille après tout. Sa fille est prudente et avec ses amis, elle ne craint rien. Le lendemain matin, lorsqu'elle se lève, vers 7 heures, le conjoint de Marie-Pierre Mazzy lui signale qu'Angélique n'est pas rentrée. Là encore, pas de quoi s'inquiéter. Angélique et ses amis ont prévu de prendre un petit déjeuner ensemble, voilà. La matinée avance et toujours pas de trace de la jeune fille. Au fil des heures, sa mère est de moins en moins sereine. Elle appelle un à un les amis de sa fille. Rien, aucune trace d'Angélique. Elle se tourne alors vers le père d'Angélique, Patrick. Et là, c'est la douche froide. Il n'a aucune nouvelle non plus. Sans plus attendre, il se rend au commissariat de police signaler la disparition de sa fille. Des policiers ne mettent pas longtemps à faire le lien entre cette disparition et le corps qu'ils ont retrouvé le matin même. Ils demandent à Patrick de faire venir Marie-Pierre avec une photo d'Angélique. Marie-Pierre Mazzy raconte l'épisode à la journaliste Doane Buy dans le podcast Au cœur du crime du magazine L'Obs. On va au commissariat et au commissariat on nous fait attendre. On me demande une photo d'Angélique et j'entends oui c'est elle. Oui et c'est elle. Tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on me dit. On me dit pas on a retrouvé un corps dans la forêt. On me dit pas oui on a retrouvé votre fille. Enfin on prend pas de gants quoi. Pour l'instant on ne me dit rien. Et quelques temps après, quelques heures après, on me dit qu'effectivement, ils ont retrouvé une jeune fille et que cette jeune fille, c'est Angélique et qu'elle est morte. Sans plus de... Voilà. C'est dit comme ça. Le choc est d'une telle violence. Très vite, le capitaine qui les reçoit évoque les premières constatations médicales. Un officier apporte alors le couteau dans un sachet en plastique et le dépose sur le bureau voisin. Ils ont à peine le temps de réaliser que jamais ils ne reverront leur fille, qu'on leur parle perquisition, autopsie. En plus du choc, du désespoir et de l'horreur, les voilà embarqués dans le tourbillon de l'enquête. Le lendemain matin, le juge d'instruction Isabelle Pagenel est saisi de l'enquête. Son premier acte est de dessaisir la police de Compiègne au profit de la police judiciaire de Creil. La juge prend ensuite une décision capitale. L'autopsie révèle qu'Angélique a eu un rapport sexuel quelques heures avant sa mort, sans pouvoir affirmer avec certitude qu'il s'agisse d'un viol, aucune trace de violence sexuelle n'ayant été relevée. Mais la magistrate estime fort probable qu'Angélique ait été forcée. Elle demande donc au légiste de réaliser un prélèvement de sperme pour déterminer le génotype de l'agresseur. Aujourd'hui, cette procédure est automatique, mais pas en 96. Elle n'était pratiquée qu'à de rares exceptions. L'échantillon devient l'un des principaux outils des enquêteurs. Dans les jours qui suivent la découverte du corps d'Angélique, il convoque ses amis et le personnel du City Hall pour interrogatoire et prélèvement ADN. Des policiers peine à reconstituer la fin de la soirée de la jeune fille. Ils en déduisent qu'elle a eu une altercation avec Cédric, son ex-petit ami, puis qu'elle s'est disputée avec Nathalie. Lorsque cette dernière quitte la boîte de nuit, Angélique refuse de la suivre et lui dit qu'elle rentrera avec Cédric ou un autre copain de la bande resté dans la discothèque. Mais quand Cédric part, ne voyant ni Angélique ni Nathalie, il pense que les deux filles sont rentrées ensemble. Le vigile, lui, dit n'avoir jamais vu Angélique quitter la boîte. Les premiers prélèvements effectués et comparés avec l'ADN du meurtrier présumé ne donnent rien. Les enquêteurs élargissent donc leurs recherches. À l'aide des tickets de carte bleue, ils retrouvent les clients de la boîte de nuit pour les interroger à leur tour. Et là encore, toujours rien. Viennent ensuite les passants qui tirent de l'argent dans les distributeurs à proximité de la boîte de nuit, puis les étudiants de l'IUT d'Amiens où Angélique étudiait. Les enquêteurs interrogent ainsi plus de 500 personnes, encore une fois, en vain. Quant aux pièces à conviction, elles n'apportent que peu d'informations. Le couteau découvert sur la scène du crime est émaillé de taches de sang trop petites pour qu'elles soient identifiables. Un an plus tard, l'enquête piétine toujours. Hervé Aucher, le nouveau magistrat instructeur, se justifie au micro de France 3 Picardie. Sur la dizaine de pistes qui s'offrent dans ce dossier, vous savez que la victime a été découverte dans un endroit public. Rien n'est plus difficile le matin, avec peut-être des témoins avant, après, mais au moment des faits, personne ne peut dire et personne ne s'y trouvait, hors le meurtrier. Donc vous voyez bien la difficulté d'approche de ce dossier et qui, encore une fois, nécessite et mobilise tous nos efforts. Pendant ce temps, Marie-Pierre, la mère de la victime, dépérit. La nuit, impossible de dormir. Dès qu'elle ferme l'œil, elle entend sa fille crier et l'appeler. Et chaque matin, elle se lève avec l'espoir de recevoir le coup de fil tant attendu, celui qui lui annoncera l'arrestation du meurtrier d'Angélique. Mais les jours passent et le téléphone ne sonne pas. Marie-Pierre n'est plus que l'ombre d'elle-même. Parfois, elle s'assied sur le banc dans le square en bas de chez elle, là où Angélique aimait refaire le monde avec ses amis. Mais elle pleure. Dans les immeubles autour, les autres habitants assistent, impuissants, au calvaire de Marie-Pierre. Jusqu'à ce que deux voisines décident de faire quelque chose. Elles s'appellent Martine et Isabelle, et elles se donnent une mission, épauler la mère d'Angélique autant que faire se peut. Elles lancent alors un comité de soutien. Leur première action est une marche blanche, organisée le 16 mai 1998. Ils sont venus par centaines. Près de 400 personnes, des amis, des proches, des camarades de faculté, mais aussi des élus et des anonymes. Ils sont venus, une rose à la main, rendre un dernier hommage à Angélique. La marche blanche est silencieuse, les visages sont graves. En tête du cortège, le portrait d'Angélique, porté par l'une de ses meilleures amies. En fait, c'est pour dire qu'on n'oubliera pas et qu'on aimerait que cette affaire soit pas classée fait divers, qu'elle trouve une issue assez vite. Juste la présence de tout ce monde, ça prouve bien que c'est pas oublié, et puis c'est surtout ça qu'on voulait, nous. C'est que ce soit pas oublié, que ce soit, même si c'est en 96, ça fait deux ans que c'est pas, comme disait Tony, c'est pas un fait divers. C'est là, c'est pour nous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. C'est ce qu'on fait toujours quand on regarde la télé, mais on s'aperçoit qu'entre la télé et la réalité, souvent il n'y a qu'un pas, quoi. Et quand il est franchi, ça fait droit. Désormais, Marie-Pierre n'est plus seule. Elle se sent entourée et cela lui donne la force de continuer. D'autant que dans le même temps, elle s'est engagée dans un combat généré par le drame qu'elle vit, la création d'un fichier national d'empreintes génétiques. C'est son avocate qui lui a soufflé l'idée. La voyant s'effondrer, maître Muriel Bellier-Kant n'a eu de cesse de rappeler à sa cliente que la force de son dossier réside dans le prélèvement ADN du meurtrier présumé. Oui, mais à quoi bon ? Objecte de Marie-Pierre, quelles sont les chances de le croiser un jour avec l'ADN du tueur? Oui, bien sûr, en l'absence des fichiers d'empreintes génétiques en France, elles sont très faibles, admet l'avocate. Pourtant, le visage de Marie-Pierre s'illumine. Elle doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'un tel fichier soit créé en France, car à l'époque, rappelons-le, il est possible de collecter l'ADN sur les scènes de crime et de le comparer ensuite avec ceux d'éventuels suspects. D'autant plus que cette collecte est loin d'être systématique et les analyses sont réalisées par des laboratoires privés. C'est une ruine pour la police. Mais surtout, les ADN collectés ne sont ni conservés ni consignés dans un fichier qui regrouperait les données de tous les coupables d'infractions sexuelles ou de violences, comme c'est le cas en Angleterre. Mais oui, fichage. Le terme fait trembler les politiques du pays de la Déclaration des droits de l'homme. Et les tenants d'un tel fichier sont renvoyés aux sombres heures de la France de Pétain, par exemple. Le gouvernement de Lionel Jospin écoute toutefois les revendications de Marie-Pierre Mazier et d'autres associations, tout en restant, pour l'instant, assez frileux. Mais le 26 mars 1998, l'arrestation du tueur en série Guy Georges, le violeur de l'Est parisien, change la donne. Identifié grâce à des prélèvements génétiques, son cas cristallise les failles de la législation française, comme l'explique Stéphane Bourgois, criminologue interrogé sur France Inter ce jour-là. Malheureusement, la police française n'est pas dotée des mêmes moyens que certaines polices étrangères, comme la police anglaise ou la police hollandaise, qui bénéficient, eux, depuis déjà pas mal de temps, d'un fichier d'empreintes génétiques. Or, si on avait bénéficié de ce fichier d'empreintes génétiques en France, il est très probable que ce tueur aurait déjà été identifié dès 1994 et on aurait évité les morts, entre autres, d'Estelle Mag et de Magali Sirotti, entre autres, pour prendre le cas du tueur en série de la Bastille. Il me semble donc capital non seulement de mettre en place très rapidement ce fichier d'empreintes génétiques, mais aussi de l'élargir à d'autres types de criminels. Plus question de tergiverser donc. Le 17 juin 1998, la loi relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs est adoptée. Cette loi instaure une première ébauche de fichiers d'empreintes génétiques. Mais son spectre est limité. Seules seront conservées les données relatives aux personnes condamnées pour agression sexuelle sur mineurs. C'est un premier pas. Mais ça veut dire aussi que s'il était retrouvé, le violeur et meurtrier d'Angélique ne serait pas fiché puisqu'Angélique était majeure. Bref, le combat de Marie-Pierre est loin d'être terminé. Yeah. Ce rendez-vous au ministère de la Justice, il l'attendait depuis des semaines. Une nouvelle étape dans le combat qu'il mène depuis 3 ans. La famille et les amis d'Angélique sont venus demander au garde des Sceaux la mise en application du fichier génétique voté il y a 1 an et surtout son extension à d'autres personnes que les condamnés définitifs. Parier sur le fait que cet agresseur a déjà été condamné, c'est quand même trop juste. Il faut penser qu'il y a malheureusement beaucoup d'agresseurs d'ordre sexuel qui échappent aux mailles du filet et que l'on ne pourrait retrouver que de cette manière-là. Après plus d'une heure d'entretien avec un collaborateur d'Elisabeth Guigou, les réactions sont plutôt mitigées. Je suis un petit peu déçue parce que le fichier va encore mettre un peu de temps à être installé. Ceci étant, il travaille dessus, c'est sûr. Par contre, je pense qu'on va avoir davantage de moyens humains pour l'enquête pour Angélique. Ce 29 septembre 1999, entourée de ses soutiens, Marie-Pierre rencontre le directeur de cabinet d'Elisabeth Guigou, garde des Sceaux du gouvernement Jospin. En l'absence de décret d'application, le fichier d'empreintes génétiques voté 1 an plus tôt n'est toujours pas mis en place. Les proches d'Angélique commencent à s'impatienter. Alors, pour avoir plus de poids, le comité de soutien se transforme en association et prend le nom Angélique, un ange est passé. Pendant ce temps, l'enquête piétine. Martine et Isabelle, les voisines de Marie-Pierre, continuent d'arpenter les rues de Compiègne à la recherche du moindre indice. Elles sont persuadées que le tueur est originaire de la ville, sinon, comment aurait-il pu avoir l'idée de déposer le corps d'Angélique sur un sentier reculé de la forêt voisine? Seul quelqu'un du cru peut avoir cette idée. Les mois passent, et malgré les appels à témoins, malgré les efforts des enquêteurs, il n'y a rien de nouveau. Mais l'enquête ne va pas tarder à connaître, enfin, un tournant majeur. Après 5 ans d'enquête, le service de police judiciaire de Creil a interpellé mardi un complice présumé du meurtrier d'Angélique. L'homme de 27 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, a reconnu certains faits. Il a également livré aux enquêteurs le nom de l'auteur du crime. Celui-ci est en fuite au Portugal, pays dont il est originaire. Cette première arrestation constitue une victoire pour l'association Angélique, un ange est passé. Depuis le début de l'enquête, ses membres remuent ciel et terre pour soutenir la maman d'Angélique. Marie-Pierre m'a dit ce matin, je suis soulagée, mais je le serai encore plus lorsque je saurai ce qu'il a fait, le moindre détail qu'il a fait à ma fille. Après, bon, que justice se fasse. Ce rebondissement intervient le 7 novembre 2001. La police tient peut-être un témoin capital. Quelques jours plus tôt, un homme se présente au commissariat. Projectionniste d'un cinéma du centre-ville de Compiègne, il prétend avoir discuté avec un homme qui lui aurait dit connaître l'assassin d'Angélique. Cet homme, un marginal d'origine portugaise, s'appelle Antonio Ferreira Gomes. Cette rencontre a lieu 3 ans plus tôt, en 1998. Sur le moment, le témoin n'avait pas su quoi faire et le marginal avait disparu. Mais le 22 octobre 2001, Antonio Ferreira Gomes croise à nouveau la roue du projectionniste qui décide cette fois d'appeler la police. D'après sa sœur, le jeune portugais, alors âgé de 25 ans, parle souvent d'un homme dangereux, un certain Rafael, qui possède un couteau plein de sang. Un homme qui lui fait peur. Ce serait d'ailleurs pour lui échapper qu'il aurait disparu ces 3 années et se serait réfugié au Portugal. Antonio Ferreira Gomes reste 47 heures en garde à vue. Aux enquêteurs, il donne plusieurs versions de l'histoire. Il commence par se dire complètement étranger à l'affaire. Il raconte avoir hébergé un certain Raphaël, oui, un homme originaire du même village que lui, au Portugal, qui serait rentré un soir une blessure sanglante à la tête, et puis c'est tout, voilà. Mais au fil des auditions, il donne de plus en plus de détails, admettant avoir dit au projectionniste que ce Raphaël serait le meurtrier. Ce dernier lui aurait raconté avoir tué Angélique. Et il se trouve que ces détails sont précis et crédibles. Il explique par exemple pourquoi Raphaël lui aurait dit avoir déposé le corps près d'un chemin de fer. Quand vient la 8e audition, Fernando Gomes Ferreira fait à nouveau évoluer sa version. Là, il était présent dans la voiture du tueur, sans toutefois l'avoir vu passer à l'acte. Il évoque tout de même un corps, le ventre couvert de sang, plausible, là encore. Mais les enquêteurs se montrent prudents. L'homme est un marginal d'une intelligence limitée, il doit vérifier chaque information. Quant à son ADN, il ne correspond pas à celui du violeur d'Angélique. Mis en examen pour complicité, il est envoyé en préventive. Pour la famille d'Angélique, jamais la vérité n'a semblé si proche. Et Fernando Gomez Ferreira est, ils en sont sûrs, la pièce maîtresse pour y accéder. Marie-Pierre et les siens vivent donc très mal les demandes de remise en liberté déposées par son défenseur, maître Hubert Delarue. Son client, en effet, s'est rétracté depuis sa mise en examen. L'avocat estime que les détails donnés lui ont été soufflés pendant la garde à vue. La mère d'Angélique assiste à chacune des audiences, jusqu'à ce 30 avril 2003, où la décision tombe. L'homme, très diminué par la prison, est relâché et placé sous contrôle judiciaire. Les caméras de France 3 Picardie l'attendent avec son avocat à sa sortie de prison. C'est bien. C'est bien. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. Oui. Hein? Oui. T'es content? Oui, je suis content. Moi, j'ai eu ta maman au téléphone, là. Oui. Il aura fallu 18 mois, 18 longs mois, pour faire reconnaître à l'institution judiciaire qu'en tout état de cause, sa détention n'était plus justifiée. Et c'est bien sûr un pas important qui est fait vers la reconnaissance de son innocence. C'était un peu dur. Pourquoi? Parce que d'être enfermé pour rien. J'étais en prison pour rien, j'ai rien fait. J'ai tué personne. Pour les parents d'Angélique, la désillusion est énorme. Cette libération sonne comme un rendez-vous manqué et un retour à la case départ. Mais hors de question de baisser les bras. Au début des années 2000, Marie-Pierre rencontre Nicolas Sarkozy. C'est la première fois qu'elle est reçue par un ministre en personne, ministre de l'Intérieur en l'occurrence et non par ses collaborateurs. L'homme politique de droite, qui développe un discours sécuritaire assumé, se pose aussi en défenseur des victimes qu'il juge insuffisamment considérées. En 2003, il crée pour elle une journée dédiée. Et son discours ne peut que ravir Marie-Pierre. Dans son discours, le ministre de l'Intérieur dit qu'il faut rééquilibrer les droits entre délinquants et victimes. Nicolas Sarkozy défend aussi les technologies modernes de police, le logiciel Salvac et l'extension du fichier ADN, l'un des points controversés de son projet de loi qui passe mardi devant l'Assemblée nationale. À ceux d'ailleurs que les fichiers gênent, je voudrais dire que s'ils réfléchissaient un tant soit peu, ils comprendraient que le fichier n'est pas simplement à charge, qu'il peut être à décharge. Un ministre qui assume l'extension du fichier ADN, voilà de quoi redonner un peu d'espoir. Le 18 mars 2003, l'adoption de la loi sur la sécurité intérieure vient concrétiser cette volonté et répond aux revendications de Marie-Pierre et de l'association Angélique un an j'ai passé. Désormais, sont intégrés au fichier les profils génétiques des individus condamnés ou mis en cause dans tous les crimes et les délits d'atteinte aux biens et aux personnes. Le refus de prélèvement ADN est également puni et passible d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Mais les années passent et il n'y a toujours pas l'ombre d'un suspect dans l'enquête sur le meurtre d'Angélique. Isabelle et Martine, les voisines de Marie-Pierre à la tête de l'association Angélique un an j'ai passé, décident de saisir l'occasion d'une nouvelle journée des victimes pour interpeller Nicolas Sarkozy. Bien leur en prend. Le lundi suivant, voilà Marie-Pierre dans le bureau de Martine Montaigne, la directrice de la police judiciaire. Cette dernière lui annonce une bonne nouvelle. L'enquête va être délocalisée à Lille. Mieux encore, elle va en fait être prise en charge par une structure spécialement créée, la cellule dite « Cold Case », comme dans les séries américaines. Les 10 tomes du dossier d'Angélique atterrissent alors entre les mains des capitaines Frank Martins et Pascal Van den Bos. Après une relecture minutieuse de tous les documents, ils reprennent l'enquête à zéro et relancent des séries de prélèvements systématiques d'ADN à grande échelle. À la même époque, le vigile de la boîte de nuit, à nouveau interrogé, livre une nouvelle version de son témoignage. Contrairement à ses déclarations 9 ans plus tôt, il aurait vu Angélique quitter le City Hall en lui disant à tout à l'heure. Mais la jeune fille ne serait jamais revenue. Son ADN est prélevé, mais il ne matche pas. Les dossiers de tous les délinquants sexuels du Compiègnois sont épluchés, de même que ceux des militaires en garnison dans la ville à l'époque des faits. Et là encore, en vain. Désespérant. Mais en 2008, l'enquête se resserre. Le capitaine Martins apprend qu'il est désormais possible de dégager des critères, notamment ethniques, de l'analyse de certains éléments de l'ADN. Il en parle à l'IGNA, le laboratoire monté du professeur Moisan, avec lequel travaille la cellule Cold Case, qui lui confirme cette possibilité. Après accord du magistrat instructeur, le profil ethnique du violeur est ainsi déterminé. Il s'agit d'un métis, 68% subsaharien, 30% caucasien et 1,2% asiatique. En d'autres termes, il pourrait s'agir d'un homme originaire des Antilles, de la Réunion ou d'Afrique du Nord. Ces informations sont croisées avec celles de toutes les administrations, sécu, CAF, impôts. Résultat, 978 personnes sont convoquées, leur ADN prélevé. Une première en France. Dans le même temps, il est demandé aux policiers compiégnois de prélever systématiquement chaque prévenu présentant ses caractéristiques. Mais les mois passent et aucun nom ne se détache. Autrement dit, le meurtrier d'Angélique court toujours. Et en 2010, c'est une décision du nouveau directeur interrégional de la police judiciaire de Lille qui fragilise l'enquête. La nouvelle est un choc. 15 ans après le meurtre d'Angélique, son ou ses assassins courent toujours. En 2006, une cellule spéciale de la police judiciaire de Lille voit le jour. Quelques enquêteurs travaillent uniquement sur ce dossier. Aujourd'hui, la cellule d'investigation n'existe plus. La mère d'Angélique accuse le coup. J'étais en colère. Surprise d'abord. Surprise parce qu'on m'avait affirmé que la cellule Angélique allait être vraiment le symbole de tous ces dossiers anciens tels que celui de ma fille. Et là, d'apprendre comme ça, tout à fait par hasard, que la cellule allait être dissoute, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Énorme inquiétude pour Marie-Pierre, car elle n'a qu'une peur, évidemment, voir l'enquête classée. C'est aussi la crainte du magistrat instructeur. Le 16 mai 2011, les parents d'Angélique sont convoqués chez les juges d'instruction pour faire un point sur le dossier. Ils s'y rendent, la mort en l'âme, s'attendant au pire. Mais rien ne va se passer comme prévu. Madame Mazier, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, commence le juge qui les reçoit. Le temps se suspend. La bonne nouvelle, c'est que nous avons identifié l'assassin de votre fille, madame. Le fichier a livré un nom. La mauvaise, poursuit-il, c'est qu'il est mort. Coup de massue. Deux jours plus tard, le procureur de la République de Compiègne organise une conférence de presse pour dévoiler la nouvelle aux médias. Grâce au prélèvement d'ADN effectué sur la victime, un individu vient d'être identifié. Il s'agit de l'individu qui a, le 8 mars 2011, à Chevrières, tué sa femme. Celui-ci s'est ensuite suicidé. Le meurtrier, un homme d'origine capverdienne, s'appelle José Mendes Futardo et habite Compiègne. Il est entendu en février 2011 après une plainte de sa femme pour violence conjugale. Son ADN est donc prélevé. L'homme semble trop poli pour être honnête, note le policier qui le reçoit. Effectivement, 10 jours avant de comparaître devant le procureur, le 9 mars, il tue sa femme de 10 coups de couteau de chasse crantés, probablement l'arme qui a également tué Angélique. Puis il se noie dans un étang. Voilà, c'est fini. Marie-Pierre peut mettre un visage sur celui qui a pris la vie d'Angélique, son enfant, une sombre nuit d'octobre 1996. Son combat pour la vérité a fini par payer. Mais enfin, difficile de se réjouir, d'abord parce qu'elle a perdu sa fille, et parce que jamais elle ne pourra le confronter à son crime et à la douleur indicible qu'il a provoquée. Je te sens soudain. chemin, tu essaies de me faire croire en vain que l'amour revient. Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, le cas, le dossier Angélique Dumès. Notre invité Muriel Bellicante, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Compiègne et vous êtes l'avocate des parents d'Angélique Dumès. Vous avez été citée d'ailleurs dans le récit. Vous avez également écrit le livre intitulé Angélique, l'empreinte d'une vie, publié aux éditions du Panthéon l'an dernier. J'imagine que lorsqu'on est avocat, on n'écrit pas un livre concernant toutes les affaires qu'on traite. Là, c'est une affaire importante, au point d'en faire un livre. Pourquoi ? Alors c'est une affaire effectivement qui a marqué ma vie professionnelle, pas seulement parce que le récit, comme vous l'avez parfaitement résumé, est assez terrible, mais également parce que finalement ce dossier a été l'occasion d'inscrire un combat juridique dans l'histoire de notre pays, et c'est en ça que j'estimais qu'il était important d'apporter notre témoignage. Alors c'est aussi l'histoire du combat d'une femme, d'une mère, Marie-Pierre Mazier, de ses soutiens également. Cet acharnement-là, il a compté, j'imagine, et beaucoup même. Tout à fait, mais je dis souvent que c'est le combat de mère au pluriel. Nous étions toutes des mères. Moi, je venais de donner naissance à mon fils. Je pense que ça a aussi une résonance pour moi de découvrir ensuite l'histoire d'Angélique très peu de temps après, et puis Isabelle, Martine sont des mères. Ouais. Et effectivement, on parle beaucoup de femmes dans ce combat, très peu d'hommes. Alors moi je suis vous êtes mère, moi je suis père. Donc je vais vous parler de son père. On en a parlé un petit peu au début du récit. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait, comment il suit l'affaire? Alors pour le père d'Angélique, ça a été beaucoup plus compliqué parce que c'est un homme qui n'a pas l'habitude de verbaliser ce qu'il ressent. Il a été très présent, il a été de tous les combats aussi. Il était là pour les déplacements, il était là notamment au moment de l'arrestation de Monsieur Gomez Ferreira lorsqu'il s'agissait d'aller devant la cour d'appel assister aux audiences. Mais c'était plus compliqué pour lui de prendre la parole et de se mettre en avant. Et de toute façon, les hommes dans cette affaire ont tous été plus suiveur que meneur. Bon, en tout cas, vous recevez le couple au tout début, ou vous n'êtes que la mère ou le couple? C'est le père que j'ai reçu en premier. C'est même le père. Oui, en fait, Angélique a été découverte morte un dimanche matin, et c'est son père que j'ai trouvé dans ma salle d'attente dès le lundi matin. D'accord, on raconte effectivement que c'est lui qui est allé à la police, mais c'est aussi lui que vous avez reçu en premier. C'est lui qui me charge en fait de la défense des intérêts de la famille. Et je n'ai rencontré Marie-Pierre que plus tard, parce qu'elle était de toute façon dans un tel état que malheureusement, elle n'était pas en capacité de rencontrer qui que ce soit. On imagine. Que leur dites-vous, que lui dites-vous, en termes de stratégie de défense, à quoi elle doit, alors on va parler de Marie-Pierre, elle doit s'attendre, côté enquête que j'imagine, c'est pas facile. Bonjour madame, on n'a rien pour l'instant, ça va être difficile. Qu'est-ce que vous lui dites? Alors ce qu'on dit souvent dans ce type de dossier, c'est-à-dire que dans des crimes de ce type, soit vous avez une élucidation sous les 48 heures, soit nous savons que ça va durer des années. Donc c'est ce que je lui explique. Je lui dis que ça va durer des années, mais je lui ai toujours dit qu'on y arriverait. Et mon discours a toujours été au long de ces 15 années de dire, nous avons une empreinte ADN, ce dossier, je vous le promets, ne se refermera jamais tant que nous n'aurons pas l'identité de cette empreinte. Ah, nous avons une empreinte ADN. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là où on est la police scientifique par rapport au tracé génétique si important pour la police? On en est où à cette époque-là? Alors, la France ne s'est intéressée qu'au début des années 90 aux travaux de Jeffreys, qui sont des travaux sur justement les techniques d'empreinte génétique et d'identification des individus par les empreintes génétiques. En 96, clairement, très peu de dossiers contenaient des empreintes génétiques. Et l'autre difficulté que nous avions, vous n'avez pas abordé dans votre résumé, mais qui est important aussi à savoir. C'est très bien, vous êtes là pour donner la complémentarité. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. C'est que, en fait, à cette époque-là, les prélèvements ADN se faisaient par des laboratoires privés, ça vous l'avez indiqué, mais aucun n'adoptait la même technique de prélèvement. Ah oui. Ce qui fait qu'en plus, on ne pouvait pas comparer les empreintes quand on les avait. Je ne parle même pas du fait qu'on n'avait pas de fichiers, parce que des fichiers, la police avait des fichiers sauvages. Mais on ne pouvait pas comparer les empreintes. Il fallait systématiquement, quand on avait un doute, refaire le prélèvement avec la même technique et le même laboratoire. Donc c'était en ça aussi que c'était très très compliqué. C'est vous dire si en 96 on était vraiment au balbutiement du développement de la police scientifique dans ce domaine. Il semble qu'il y ait eu un frein politique, philosophique en France par rapport à cette notion de fichage de la population. C'était important ça? Énorme, énorme ce frein. Lorsqu'en 1998, nous avons milité donc pour d'abord la création, puis ensuite la mise en application du fichier, parce qu'il a fallu, ça c'est aussi un événement hors norme, 2 années pour obtenir un décret d'application sur une loi qui avait été votée. C'est-à-dire que la loi est votée en 98, mais le gouvernement, et là c'est vraiment de sa responsabilité, ne sort pas le décret qui permet son application. Et donc au début, nous avons œuvré pour obtenir simplement un décret d'application sur une loi qui avait été votée par le Parlement. Et donc ça, la difficulté, c'est que, chaque fois que nous allions voir quelqu'un qui représentait ce gouvernement, on nous disait mais on peut pas ficher la population française, c'est pas possible. Alors un premier fichier est finalement voté à l'Assemblée en octobre 97. On va écouter ensemble Frédéric Bredin. Vous vous souvenez évidemment de cette femme qui fut rapporteuse de cette loi et elle s'exprime à l'époque au micro de France Inter. Il a accepté l'idée du principe d'un fichier d'empreintes génétiques s'il était d'une part limité bien sûr aux personnes condamnées et pas seulement à toutes les personnes visées par l'enquête préliminaire. Ça, je crois que les Français sont très attentifs à leur garantie des libertés publiques et c'est bien normal. Mais aussi il était créé avec toutes les garanties offertes, notamment après un avis de la CNIL. Donc il y a un accord sur le principe qui a été, je crois, consensuel à partir du moment où les garanties de liberté publique étaient sauvegardées. Alors, quand elle dit, quand Frédéric Bredin dit « il », c'est Lionel Jospin, bien sûr. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites « ça y est, on est sorti l'affaire sur ce terrain-là, en tout cas, et puis ça va probablement nous aider pour l'affaire que je traite ». Vous êtes pleine d'espoir? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En 1998, puis ensuite en 2000, quand on a le décret d'application, non, puisque comme vous l'avez parfaitement résumé tout à l'heure, de toute façon, il ne concernait que les personnes déjà condamnées et pour des délits sur des mineurs. Donc nous savions parfaitement que nous ne pourrions pas trouver l'identité du propriétaire de notre ADN par l'intermédiaire de ce fichier. Donc nous n'avons eu de cesse que de nous battre pour obtenir cette extension. Nous sommes même allés jusqu'au Parlement européen. Nous avons rencontré la présidente du Parlement européen en nous disant « si l'Europe milite pour la création d'un fichier européen, nous obtiendrons peut-être en France que nous n'arrivons pas à... ». Voilà, exactement. Sauf que ce qu'on nous répondait, c'était nous, on commencera à parler avec les pays qui ont déjà ce fichier. Quand vous serez déjà doté d'un fichier, parce que tant que la France n'a pas ce fichier, vous ne pouvez pas porter sa voix au niveau européen. Et qui l'a on va pas faire la liste des pays, mais beaucoup de pays en Europe ont déjà ce fichier. Déjà l'Angleterre, commencer par l'Angleterre. Un fichier d'ailleurs très très étendu en Angleterre. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, quand nous avons sollicité la possibilité de comparer notre ADN à leur fichier, ils nous répondaient cela en nous disant « mais quand vous pourrez nous offrir la réciprocité, on en discutera ». Alors, on va revenir à ce fichier et finalement avec Nicolas Sarkozy, avec l'affaire Guy Georges, la mise en place du fichier. Je voudrais revenir un peu sur le cas Angélique Dumès. Qu'est-ce qui va commencer à faire d'abord ce témoignage là qui relance l'affaire, l'arrestation de ce témoin Antonio Ferrara Gomez, et puis après il est mis hors de cause. Que se passe-t-il autour de cet homme-là? Écoutez, nous avons... C'est quand même la première fois qu'il se passe quelque chose dans l'enquête. Ah, complètement. Nous avons toujours été intimement convaincus que Fernando Gomez Ferreira était là. le soir du crime. Mm-hmm. Comme il le dit très justement, il insiste en disant qu'il n'a pas tué, nous n'avons jamais pensé qu'il avait tué. En revanche, ça veut dire complicité. Complicité, pour qu'il y ait complicité au sens juridique du terme, il faut qu'il y ait quand même un acte. Oui. Bon, je suis même pas convaincue, moi, personnellement, qu'il ait commis le moindre acte accompagnant avant, pendant, d'accord, peut-être après, en tout cas, en sortant le corps du coffre et en le déplaçant et en le mettant en forêt. Je pense qu'il était totalement sidéré par ce qu'il avait vu ce soir-là et par l'extrême violence qui a entouré l'assassinat d'Angélique. Mais pourquoi vous avez réagi comme ça quand il a été relâché? Réagi comment? C'est-à-dire que quand il a été relâché, qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, vous avez dit c'est une pièce, c'était importante, et puis on l'a non, plus. Non, ce qui était important, c'était pas qu'il soit en détention, c'était qu'il reste mis en examen. Or, il est resté mis en examen jusqu'à la fin, jusqu'à ce que finalement une ordonnance de non-lieu soit rendue, mais en 2015, au moment où nous avions déjà l'identité du tueur. Alors, dans son combat pour la vérité, Marie-Pierre Mazier, donc la mère de la victime, va accompagner d'autres familles de victimes, notamment celle de Guy Georges. Comment ce rapprochement s'opère-t-il et pourquoi ? Nous commençons à nous faire connaître sur notre volonté d'étendre le fichier d'empreintes génétiques. Et c'est comme ça que deux mamans des victimes de Guy Georges se rapprochent de l'association et décident d'œuvrer avec nous pour l'extension, puisque, comme vous l'avez dit, on découvre rapidement que Guy Georges avait été interpellé en 1995, quelque temps avant, en tout cas les deux derniers meurtres, et que son empreinte avait été prélevée, mais faute de pouvoir être comparée avec qui que ce soit, elle était restée dans le fichier. Et donc, s'il y avait eu un fichier national d'empreintes génétiques étendu aux personnes suspectées, les deux dernières victimes de Guy Georges seraient encore en vie aujourd'hui. Et donc ça a beaucoup remué, en fait, ces mamans qui ont décidé de s'associer à notre combat. Alors, on va écouter une archive du 27 mars 2001, en rapport direct avec ce qu'on vient de dire. C'est un sujet de France 3, sur le procès donc de Guy Georges. Maître Ursulet aujourd'hui veut entendre la vérité. Il demande: Guy Georges, le moment est venu de dire les choses, personne ne supporte le silence. Guy Georges n'est plus souriant, comme sur ces images réalisées le premier jour du procès. Il a le crâne rasé et baisse la tête. Tout à coup, entre deux sanglots, il avoue avoir tué Magali, Elsa, Pascal, Estelle, Catherine, Agnès et Hélène. Je sentais qu'il fallait qu'il parle, qu'il se libère de ce poids. L'aveu, à ce stade, l'aveu de fait atroce est un premier pas vers la rédemption. Il s'agit maintenant d'essayer de comprendre pourquoi. Guy Georges regarde ensuite les familles des victimes. Plusieurs fois, il répète « Je vous demande pardon ». Je vous demande pardon. Marie-Pierre Mazier était dans la salle d'audience avec vous, c'est cela ? Tout à fait. Elle m'avait demandé d'accompagner au procès, elle voulait voir comment ça allait se passer. Et le hasard de la vie a voulu que nous soyons là le jour, justement, où Guy Georges a fait ses aveux et s'est tourné vers les familles de victimes en leur demandant pardon. Et donc, pour Marie-Pierre, ça a été véritablement un moment d'émotion énorme, puisque bien évidemment, elle s'est projetée en se disant « un jour, j'y arriverai, et un jour, moi aussi, je pourrai regarder en face l'assassin de ma fille ». Oui. Et Marie-Pierre n'aura pas le droit à ce moment, non, à ses aveux, puisqu'on l'a dit, le meurtrier d'Angélique, donc José Mendes Furtado, est mort. Lorsqu'il est confondu, lorsqu'on sait que c'est lui, ben il est mort. Alors quel est votre sentiment à ce moment-là, et celui de Marie-Pierre, j'imagine, c'est le même sentiment? Lorsque Marie-Pierre s'est présentée devant le juge d'instruction, j'étais avec elle aussi. Ouais. Et il nous a fallu plus d'une heure pour débriefer derrière cet entretien. Nous étions incapables de remonter dans notre voiture et de repartir après ce qui nous avait été dit. Et il lui a fallu, pour elle, effectivement, exorciser ce moment-là et renoncer, faire le deuil de ce procès qu'elle imaginait et dont elle avait besoin. Alors bon, j'ai essayé de la rasséréner en lui expliquant que c'était pas parce qu'on avait un procès qu'on avait accès à la vérité, et qu'il y avait rien de pire que de se retrouver face au meurtrier de sa fille qui continuait à mentir. Mais je suis pas sûre que mes mots l'aient véritablement calmé et calmé sa douleur. Et le fait de savoir de qui il s'agissait, ça a apporté un petit quelque chose, ou finalement, ça n'apporte rien, puisque la personne n'est pas vivante, qu'on ne peut pas la regarder dans les yeux, et que ce fameux deuil, il faut des conditions, dit-on, pour qu'un deuil se fasse. Là, on les a pas, oui, c'est ça ? Alors, si, d'une certaine façon, quand même. Oui, oui. D'une certaine façon, en fait, ça permet de refermer une porte. C'est déjà ça. Ça permet de mettre cette affaire derrière soi. Se dire, bon ben voilà, j'ai été jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'avais dit que je trouverais l'assassin de ma fille. Je l'ai trouvé. Maintenant, il reste quand même effectivement cette frustration de ne pas avoir eu accès aux derniers instants de sa fille. Parce que c'est ça aussi dont ont besoin les familles de victimes en se retrouvant face à leur... on se demande toujours pourquoi ils veulent tant se retrouver confrontés au meurtrier ou à l'assassin. Mais c'est la dernière personne qui a vu leur enfant en vie. Et c'est la dernière qui peut témoigner de ce qui a été dit, de ce qui a été fait. Et puis c'est surtout le dernier visage qu'Angélique a vu avant de mourir. Et ce José Mendes Furtado, vous connaissiez son existence? Est-ce qu'à votre route l'a croisé, ou de loin, ou indirectement? Personnellement, je ne connaissais pas son existence, mais j'ai découvert après, bien évidemment, toute cette affaire, que à plusieurs reprises, il s'était présenté à mon cabinet pour être défendu par un de mes associés. Or, il ne pouvait pas ignorer, puisque tout Compiègne savait que j'étais l'avocat de la famille d'Angélique. C'est un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre, en tout cas sur un plan local. Et pourtant, il avait demandé à être défendu par mon associé, puisqu'il avait eu quelques déboires avec la justice pour des conduites sous l'empire d'un état alcoolique. Et donc, c'était à notre cabinet qui s'était adressé pour me voir, j'imagine. Et évidemment, sur le coup, ça vous interpelle pas, forcément? Absolument pas, non. C'est après coup que je réalise que je l'ai croisé dans ma salle d'attente. Et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit? C'est étrange, quand même. Oui, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quand même un côté très pervers dans cette démarche. De la même façon, Marie-Pierre a découvert qu'il s'était présenté plusieurs fois à sa caisse aussi, puisqu'elle est caissière dans un supermarché local, et quand elle a vu sa photo, elle l'a reconnue en disant « mais plusieurs fois il est venu ». Et qui est ce type? Qui était ce type? Alors c'était un homme qui était bien inséré sur le Compiénois, qui par contre en 1996 avait connu un moment d'errance. Sa femme l'avait mis dehors parce que elle était victime de violence de sa part. Et il s'est retrouvé dans un foyer, c'est certainement d'ailleurs à cet endroit-là qu'il a croisé la route de Gomez-Ferreira. Et donc à ce moment-là, il s'est marginalisé. Et pourquoi aurait-il fait ça, d'après vous? Qu'est-ce qui l'a poussé? C'était quoi sa condition? Quels étaient ses problèmes? Mais nous ne le saurons jamais, c'est ça le problème. Nous ne le saurons jamais. Même en enquêtant, oui, on ne peut pas savoir auprès de lui, évidemment. Mais en enquêtant, il y a eu des informations? Justement, rien du tout. Puisque, en fait, très peu de temps après le meurtre d'Angélique, il va revenir auprès de sa femme, et il va reprendre une vie conjugale, et il va même refaire un autre enfant avec sa femme. Et jusqu'aux derniers instants où, en fait, quelques semaines donc avant qu'il repasse à l'acte, il va être interpellé sur une plainte à nouveau de son épouse. Et le policier qui va le recevoir va avoir l'idée de prélever son empreinte génétique. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'en fait, l'arrêt de mort de son épouse a été signé, puisqu'il savait que ça allait matcher. On faisait suffisamment de bruit autour de l'ADN à ce moment-là. Alors justement, puisqu'on parle de l'ADN, c'est donc à partir de cette affaire et de Guy Georges aussi, effectivement, mais celle dont vous êtes occupé en fait partie, la création du fichier national. Il donne satisfaction, ce fichier national, depuis qu'il existe? Quel est le regard que vous portez sur ce que vous avez souhaité, justement? Ah oui, j'y pense à chaque fois que j'écoute à la radio des affaires où on nous explique que l'ADN a parlé. Je me dis que quelque part, voilà, on y est pour quelque chose. Je suis également très fière que cet ADN permette d'innocenter aussi des gens qui, sans cela, seraient mis en cause. Parlez-moi, pour terminer, de Marie-Pierre Mazier. Comment elle s'est reconstruite? Comment va-t-elle aujourd'hui? Elle s'est effectivement reconstruite, elle s'est recentrée sur sa famille. Le non-lieu en 2015 et puis le livre lui ont permis aussi d'exorciser beaucoup de choses. Et elle a véritablement aujourd'hui envie de continuer à avancer sans jamais oublier qu'elle avait une fille et que cette fille était formidable et qu'elle n'est plus aujourd'hui. Et peut-être qu'elle vous écoute, là? Je pense qu'elle m'écoute. Bon, et dernier mot quand même sur la famille, le père, vous avez des nouvelles? Pour le papa, c'est plus compliqué, mais je sais, il a lu le livre, et je sais que lui aussi est fier du combat que nous avons mené. Voilà, donc, et qui a donné ce livre, donc, qui s'appelle Angélique, l'empreinte d'une vie, avec la photo. La photo d'Angélique, une des dernières photos d'Angélique. Une dernière photo, là, évidemment, quand on raconte son histoire et qu'on voit son visage et ses yeux, c'est tout à fait émouvant. Donc, Angélique, l'empreinte d'une vie, Muriel Bellier-Kant. livre aux éditions Panthéon. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment de votre témoignage. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cas Angélique Dumas, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page d'Affaires Sensibles sur le site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires. Bien sûr, je l'ai déjà dit ça. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.